Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. C'est le moment de recevoir celui qui sera mon dernier invité de la semaine également, François Landry, attaché politique de l'AGE UQTR, qui va venir nous éclaircir le regard sur le budget donc bâchant qui a eu lieu, qui a sévi ce mardi. Et donc, il y a question de mieux informer nos auditeurs, parce que moi, j'ai beau lire des articles et les commenter, mais je suis pas aussi calé que toi, François. Donc, bonjour. Merci. Bon matin. Merci. Il est bonheur, mais c'est pas grave. Ben oui, mais merci beaucoup d'être là. Oui, non, ça me fait plaisir. Simon, à ton invitation, je répondrai toujours présent. Yeah. Oui. Donc, oui, tu l'as dit, le budget bâchant qui a été signé, et moi, je dirais qu'il a été saigné mardi à l'Assemblée nationale. On s'est fait bâcher par bâchant. Oh, jeu de mots douteux un matin. L'Académie Mathieu Plante. Déteins pas sur lui, s'il vous plaît. Non, oui, effectivement, le ministre Bâchant qui en était à son tout premier budget, mais qui était le budget historique pour deux raisons. Mm-hmm. De un, c'était son premier budget. Ouais. Donc, c'est dit, en tant qu'amateur en voie de devenir le Jérôme Forget Junior, il va donner la claque. Et l'autre, c'était le budget avec un gros L majuscule, parce que dans la temporalité électorale, on est en 2010. Ouais. En théorie, les élections sont en 2012. C'est ça. Donc, en 2011, ça devrait être un budget électoraliste. Ben oui, pas mal plus gentil avec le contribuable. Voilà, investissement ou promesse d'investissement, baisse d'impôts peut-être. Ben oui. Donc, on s'est dit, on va y goûter cette année, mais pas à cette hauteur-là. Moi, je m'attendais à un budget à la ontarienne. Quelque chose d'austère, mais que finalement, on peut souffler. On serre la ceinture d'un seul trou, mais on peut souffler pareil. Ouais, ouais. Mais là, c'est non seulement on n'a plus de ceinture, parce qu'on n'a plus de portefeuille, donc les pantalons peuvent tomber de par eux-mêmes. Ben oui. Donc, c'était que le grand dernier budget de Jean Charest. Parce que, de deux choses l'une. Il va démissionner éventuellement. Ouais, il y a des bonnes chances. Hein. Des bonnes chances parce qu'il ne cachera jamais ses intentions de retourner en politique, soit fédérale ou internationale. On a vu cette année les fameux... Il a fait le tour. Hein? Il a fait le tour du monde. C'est fait de l'autopromotion. C'était Phileas Fogg des temps modernes. Oui. Donc, il a fait le tour du monde en quelques jours seulement. Donc, il prépare sa sortie et il voulait donner un grand coup pour passer dans l'histoire comme étant le premier ministre ayant rétabli l'équilibre budgétaire au Québec. Mais oui, ah, il est tellement bon pour ça. C'est cœur. Oui, mais pour décortiquer le budget un peu, quand on dit rééquilibrer le budget et tout ça, Jean Charest et son parti sont au pouvoir depuis 2003. Oui, okay? 7 ans. Voilà, 7 ans. En politique, au Québec, habituellement, c'est 8 ans qu'on t'offre au pouvoir. À peu près. À peu près. À part Duplessis, mais ça, c'est un autre contexte. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est Duplessis. Depuis 2003, combien de baisses d'impôts y a-t-il eu au Québec? Dans le temps des élections? Il y a eu 5 milliards de baisses d'impôts. Quand même. Donc, le Québécois paye 5 milliards de moins à l'État pour en retour de service. Oui, c'est vrai. Et de combien est fixé le déficit cette année? 6,9 milliards. C'est ça. Ouais. Donc, juste en n'ayant pas eu la baisse d'impôts, qui est la baisse d'impôts pour toi, Simon, pour moi, François, elle représente grosso modo 50 $ par année. Ouais. Donc, déduit ça par semaine. Ça revient à un café par semaine qu'on peut ne plus se payer à cause des baisses d'impôts. Mm-hmm. Mais à cause qu'on n'envoie plus ce 50 cents-là par semaine à Québec, il va nous couper d'environ 1200 $ en 2013. Donc, parce que tu payes plus ton café par semaine, tu vas être amputé de 1200 $ par année. C'est intéressant, 2013, ça. C'est un retour de l'ascenseur qui est C'est le balancier, frappant. Exactement. Donc, pourquoi couper dans les services... Et pour rééquilibrer le budget, alors que la situation économique du Québec est en hausse. Mm-hmm. La récession, elle a passé comme une petite tempête sur la vallée du Saint-Laurent. Un petit mois, c'est qu'on souffle. A eu peur. Exactement. Puis... Oui, il y a eu beaucoup de fermetures d'usines, mais ça, c'est une conjoncture mondiale. C'est pas la crise économique québécoise. C'est ça. Et hier, la Banque du Canada annonçait une hausse faramineuse du PIB du pays. Donc, il y a création de richesses au pays, tant au Canada qu'au Québec, mais on veut rééquilibrer les finances. En termes économiques, que je vais simplifier, dès qu'il y a création de richesses, donc dès qu'il y a une seule personne qui travaille au pays, la santé financière du pays va bien. Oui. Okay, là, j'entends les roches me siffler autour de la tête. Non, c'est un fait. Dès qu'il y a création de richesses, il y a richesse au pays à redistribuer. Il y a 900 milliards de création de richesses au Québec annuellement. 900 milliards. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on a un simple petit déficit de 4 à 6 milliards. Mais ouais, c'est pas grand-chose. Pourquoi s'en attarder? Un pays peut pas faire faillite. Non. On s'entend. Exactement. C'est pas une personne morale. C'est beaucoup plus gros. C'est un gouvernement. Voilà. Et juste Hydro-Québec vaut une dizaine de milliards de dollars. Donc, si on met en hypothèque Hydro-Québec pour un an, on vient de rembourser le déficit et une grande partie de la dette du pays. Oui. Donc, je veux pas qu'on se débarrasse d'Hydro-Québec. C'est une non, richesse. Non, mais c'est un exemple de choses qu'on pourrait faire. On peut le mettre en tutelle pour un an, comme la ville de New York, dans les années 80, avait mis en tutelle un bâtiment. Tout simplement, et ont payé leur déficit. Et aujourd'hui, New York est une des villes les plus florissantes côté économique en Amérique du Nord, du moins. Est-ce qu'ils font des déficits à New York? Ils en font, mais ils s'en foutent, ça se rembourse. Ben, un déficit ça. Se rembourse. Mais on dirait qu'ils comprennent pas ça ici. Non, c'est comme si toi, Simon, tu t'achètes une maison, OK? Ouais. Ça te coûte 100 000 $ t'acheter une maison. Mm-hmm. Tu dis, je suis dans le trou de 100 000. Non, parce que ta maison prend de la valeur. Dès que tu mets le pied dans la porte de la maison, elle vient de grimper d'un dollar. Ben oui. 2 $, 3 $. À l'inverse d'une voiture, mais quand voilà. même. Exact. La voiture, c'est un bien périssable. Une maison, c'est un bien... on appelle ça un immobilier. Un immobilier, ça ne bouge pas. Comme... Le prix peut juste monter. Bon, ben donc, c'est... tu l'achètes 100 000, tu peux la revendre 110 000. Tu peux la revendre 130 000. Il suffit de faire 5 000 pièces de rénovation, tu avais 150 000. Elle prend de la valeur. Le pays, le Québec, pardon, lapsus ici, le Québec. Le Québec. a des infrastructures. Oui, le déficit est de 6 milliards, mais les revenus... De par ses sociétés d'État, de par ses bâtiments, de par ses institutions, le réseau Université du Québec, c'en est un. Ben oui. Ont des revenus de 10 milliards par année. Donc, c'est où la contrebalance? Là-dedans, on n'en parle pas. Les Montmarquette, Bouchard, Jean Forget, Fortin, Godbout, les économistes d'extrême droite au Québec, là, n'en parlent pas de ça. Ils ne parlent seulement du déficit brut. Ils ne parlent pas du déficit net qui est nul cette année. Non, mais c'est eux autres, déficit. Il y a un déficit brut seulement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on rembourse la dette, qu'on soit à jour dans nos papiers. Baisse d'impôts pour ne pas décoter la cote que les Moody's et autres banques de New York ont sur le Québec. Ben oui. Mais ça, le simple citoyen s'en fout. Exactement. C'est pas parce qu'on a une cote de triple A ou de triple de double A et petit A, ça, c'est des cotes économiques, là. Ça change rien. Tu vas peut-être payer ton lait pour 0,1% de plus, mais au bout de la ligne... Tu vas le rééconomiser. Ça paraît pas, là. C'est des sous, là. Ça passe au niveau des sous. Il n'y aura jamais rien de matériel. C'est juste dans les statistiques, les chiffres, dans les papiers. Donc, ça ne nous empêchera pas de vivre ou de respirer le matin. Mais pour revenir à tout ça, il y a eu un sondage qui est paru par nos chers amis en lockout du Journal de Montréal. Oui, rufrontenac.com? Non, pas rufrontenac. Ça vient du journal. Je m'excuse de passer les lignes de piquetage. Ben, c'est le seul sondage éclair qu'il y a eu. 74% des Québécois sont insatisfaits du budget. C'est trois Québécois sur quatre qui sont insatisfaits. Puis je vais te donner quelques chiffres, puis je vais te parler d'une théorie après. OK. Donc, 74% sont contre le budget. 78% se disent en défaveur des hausses d'électricité de 3,7 cents le kilowattheure. Ouais. Ça, c'est énorme. Parce que c'est beaucoup. 3,7 cents, là, ça va revenir à 1,5 milliard de dollars. C'est énorme. C'est pas mal. Là, on vient de mettre un frein de bypasser, dans le fond, le bloc patrimonial du Québec. Il y avait une entente avec les Québécois. Ouais. On paye le moins cher pour tant de kilomètres-heure, de kilowattheure. Ouais. Et dépasser ça, là, on paye. Oui. Ça a été jeté à terre. Et ça n'existe plus. Ensuite, les droits en santé. Oui. Ça, on va en entendre parler, mon homme, pendant les prochaines semaines, prochains jours du moins. Ça n'arrêtera pas. Ben, juste aujourd'hui, il y a 4 articles sur 5, c'est juste ça. Le problème, c'est que là, on va focusser là-dessus. On va tout oublier le reste. C'est ça, exactement. Puis je vais te revenir ensuite sur qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans le budget. Là, on parle du 200 $ Donc, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Donc, que tu gagnes plus de 15 000 $ par année. Ou un couple avec deux enfants qui gagne plus de 30 000 $ tu vas payer 200 $ Ouais. Pierre-Carl Péladeau, qui gagne des milliards par année, va payer 200 $ lui aussi. Ben oui, c'est le fun, tu sais. Ou l'équité là-dedans. C'est ça. Si c'était comme dans les pays scandinaves, donc par rapport à l'impôt. Ouais. Tu payes 15 000 $ tu déclares 15 000 $ de revenus, ben tu peux payer 0,1%. Ben, c'est tu payes, tu reçois en revenu 2 millions, tu payes 0,1% pareil, sauf que... Au total, ça va être 800 000, toi, 2 piastres. Ben, c'est ça. Grosso modo. Exactement. Pour les gens qui gagnent 250 000 $ par année, 200 $ c'est comme un 2 piastres. Exactement. La personne qui gagne 10 000 $ par année, c'est... C'est une épicerie. Quelque chose comme 2% de leur budget. C'est là, une grosse épicerie, ben certain. Oui. Donc, ça, c'est déplorable. C'est même une mesure régressive dénoncée par tout le monde. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que le et le Québec fait partie du Canada jusqu'à dernière nouvelle. Oui. Et la santé relève du fédéral. Exactement. Donc, il y a une loi au Canada qui dit gratuité des soins de santé. Ouais. Donc, il faudrait amender la loi. Et ça, c'est pas chose faite. C'est difficile. Michael Ignatieff s'est dit favorable. Oui, il est favorable. Oui, sauf que lui, on s'entend qu'il saute partout ce qu'il peut pour aller chercher des votes dans l'Ouest canadien, puisqu'au Québec, il pointe pas. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que c'est son propre parti qui a parti cette loi-là. Mais ouais. avec le Bloc québécois et le NPD, qui devrait aussi se s'opposer à ça. Là. Ça m'étonnerait que ça passe. En principe. Ouais. Donc là-dessus, faut pas trop s'inquiéter pour l'instant, mais bon. Si on continue le sondage, ben, je n'énumérerai pas tout parce que c'est très long. Mm-hmm. La seule mesure où les Québécois sont en faveur, c'est l'augmentation des droits de scolarité. Ouais, ça, c'est un peu dommage. Pourquoi tu penses? C'est le syndrome du pas dans ma cour. Ouais. Moi, tout ce qui touche mon portefeuille, je veux rien savoir. Par contre, ça touche une infime minorité d'étudiants pouilleux barbus qui fument du pot sur les bancs d'école. Les paletots de nuages. Qui usent leurs culottes sur les fonds, sur les bancs d'école, qui payent eux autres. Ben oui. Le problème, c'est que l'étudiant paye, oui. Mais pour beaucoup d'étudiants, 80% d'étudiants, on s'entend, là, je ne sors pas des chiffres de mon chapeau, 80% des étudiants, ce sont leurs parents qui payent. Ouais, c'est vrai. C'est eux qui aident financièrement. Alors, ouais, c'est pas la mesure exacte. Là. 80%. Donc, le parent qui doit payer pour les droits de la scolarité, l'essence pour aller travailler, la santé, l'électricité, la TVQ qui augmente de 2% en 2 ans, et tout autre bobo de sociétal, c'est le parent qui va payer. Ouais. Donc, dire que c'est les étudiants qui vont payer... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. C'est une minorité d'étudiants qui, eux, vont payer parce qu'ils n'ont pas le choix parce que leurs parents ne les aident pas. Ou sur d'autres points. Mais tu sais, comme moi, j'ai toujours payé mes frais de scolarité moi-même. C'est quelque chose aussi, assez dommage. Mes parents m'aidaient soit pour le logement ou pour l'épicerie, sur la bande. Mais si les droits de scolarité augmentent, j'ai moins d'argent pour mon épicerie, moins d'argent pour mon loyer. Donc, papa, maman, s'il vous plaît. Mais c'est un fait. Et dans le budget, il n'y a aucune mesure pour l'aide financière aux études. Non, aucune augmentation. C'est ça. Ils n'en ont pas parlé. Et en plus, ils ont pas dit le montant non plus qui allait être imposé par rapport au fait qu'ils vont faire une belle rencontre. Ben oui. Ben, tu te souviens, Simon, quand la ministre Courchanchi, que je gruge du temps, là, qu'on on a en masse de temps, il reste 15 minutes. Parfait, j'aime ça de même. La ministre Courchanchi qui avait dit, il y a quelques semaines, il y a un consensus au Québec sur l'augmentation des frais de scolarité. Ouais. Le consensus excluait les étudiants. Ben oui. Moi, en tant qu'attaché politique, j'ai jamais été contacté par aucun ministère, même la députée de Trois-Rivières, Danielle Saint-Amand, ne m'a jamais téléphoné à savoir « Tu fais-tu consensus là-dessus, François? » Puis je dis « Danielle, non. Ouais, désolé, je peux pas. » C'est pourquoi à place, le gouvernement veut faire une table pour parler avec des acteurs. Ouais. Les acteurs, c'est qui? C'est Jérôme Forget, Joseph Facal. T'sais, on sait, eux autres sont tagués dans le coin. C'est l'Institut économique, l'Institut Fraser. C'est ça, tous des gens qui sont déjà partis tagués en accord avec le tout. Là, après ça, ils vont-tu dire « On va aller voir la FERC? » Ben oui. Peut-être. Ben, tu sais, je le souhaite. En tant qu'étudiant, au moins qu'il y ait un groupe d'étudiants qui soit consulté. Est-ce qu'on va aller voir l'AC? L'AC va refuser par dogmatisme. Ben oui. Parce qu'ils refusent de collaborer avec le gouvernement. C'est correct. C'est leur façon de procéder, eux. Est-ce qu'ils vont aller voir la TASEC, la nouvelle table? Peut-être, mais ils ne sont pas connus et ne sont pas encore reconnus officiellement. Ouais, on se croise les doigts. Ils vont aller voir. Ils vont faire un sondage sur le portail étudiant de l'UQTR. Ouais. Ça me surprendrait. Ils vont demander au recteur des universités à la place. Ah, la Crépuc. Ben oui, la Crépuc. Ils vont demander à Crépuc. Ben oui, notre cher recteur ici qui s'était déclaré sur les autres, sur les ondes d'une autre radio. Moi, je suis favorable à une déréglementation et à l'endettement étudiant. Ben oui, parce qu'on l'a trouvé scandaleux. On l'a rappelé à l'autre pour dire « Hey! » Tu peux être pour la déréglementation, t'as le droit, mais l'endettement étudiant touche pas à ça. Mais là, c'est que... Pourquoi payer, pourquoi s'endetter pour étudier? C'est ça le principe. C'est ça. Donc, les gosses de riches qui vont aller aux études seulement? C'est ça. Les familles dépourvues vont dire « je préfère me nourrir et aller faire une technique au cégep, quoique j'enlève rien à la technique au cégep. » Non, c'est très bien sauf quand même. Sauf que, oui, y a ça nous en prend des techniciens au Québec. Ben oui. Mais pourquoi se priver d'un cerveau qui n'a pas les moyens financiers là? C'est ça. Il va s'endetter pour 30-40 000. La moyenne d'endettement au Québec présentement, c'est 13 000 $ par étudiant en moyenne. Ça, c'est l'endettement étatique. Mm-hmm. Il y a l'endettement privé, la marge de crédit, la carte de crédit et les emprunts personnels, soit de la famille ou de la banque. Grosso modo, on ne sait pas les chiffres parce que la banque ne veut pas nous donner leur. Non, c'est sûr. On s'entend que tu as une carte de crédit, j'en ai une, puis elle n'est pas à zéro. Hein? Non, pas encore. Ouais, je vais essayer de la descendre. Mais... Ben, bonne chance, parce que d'ici 2 ans, tu n'auras plus les moyens de payer ta carte de crédit. Donc, grosso modo, ça fait le tour du budget. Là, à surveiller aujourd'hui une méga manif qui se prépare à Montréal. Ben oui. À 13h30 au Square Phillips, au Carré Phillips à Montréal. Donc, c'est la coalition contre la privatisation des services publics et contre la hausse de la tarification qui se réunit là. On s'entend que ça va outrepasser le mandat de cette coalition-là et tous les mécontents du budget devraient converger vers aussi. Montréal aujourd'hui. Il annonce très beau, il annonce 19 degrés à Montréal. Ben oui, il va faire chaud. Moi, je vais aller me mettre en forme, je vais aller marcher à Montréal parce que ça ne me tente pas de payer le ticket modérateur pour l'hôpital. J'ai pas les moyens de me payer des soins de santé gratuits. Ouais. Donc, je vais aller marcher, me mettre en forme à Montréal. La GQTR sera sur place, la GECTR sera sur place. Les organismes communautaires, syndicales de la région seront sur place et j'espère que les auditeurs seront aussi présents, du moins à Trois-Rivières, ou, ce qui est encore mieux, c'est intéressez-vous à la chose politique. C'est ça qui arrive. C'est ça qu'il faut faire. Dernières élections, c'était à 49% qui ont été votés. Donc, je n'ai que vous à blâmer, ceux qui ne vont pas voter, parce qu'on se retrouve avec des innocents à Québec. C'est une opinion très personnelle et que je partage d'emblée. C'est moins on vote, moins on s'intéresse à la chose politique, plus on s'en fait passer une petite vite. Ben oui. Mais c'est drôle parce que, justement, je parlais avec ma sœur hier qui est venue me parler du budget. Elle a dit « Ah là là, c'est incroyable. » J'ai dit « Ouais, mais politise-toi. »« Ah ouais, mais je comprends pas rien. » J'ai dit « Va lire. Va sur les sites des partis politiques. Va lire les livres. Va sur Internet, tout simplement. Tu vas tout apprendre rapidement. »« Ouais, mais c'est des termes, je comprends pas. » J'ai dit « Ça, ils vont tout te l'expliquer d'une façon ou d'une autre. Lis le journal, premièrement. C'est, politisez-vous. C'est ça qui est important. » C'est ça. Juste le journal, la presse, il y a des gros graphiques. Ben oui. Donc, tu sais qu'en éducation, coupeux de ça. T'es pas obligé de comprendre ce qu'est l'éducation, le système de financement. C'est ça. Tu sais qu'une coupeux ou un investissement. Allez lire, comme Simon le dit, les blogs, les journalistes. Radio-Canada.ca aussi avait des beaux graphiques. Exactement. Mais j'aurais un bémol à mettre. Oui. Écoutez pas Dumont 360, par exemple, pour vous expliquer le budget, parce que c'est pas trop bon. Là. Parce que lui-même, hier, je l'écoutais juste pour voir sa réaction. Ouais. Et lui-même était dégoûté du budget. Oui, c'est ça qui est drôle. Du temps qu'il était à l'ADQ, lui, c'était la classe moyenne. On protège la classe moyenne. Et là, avec le budget, c'est vraiment... La classe moyenne qui est écopée. C'est clair. C'est elle, donc, Dumont, un autre lapsus. Un autre lapsus. Dumont, hier, qui était vraiment surpris, et son chroniqueur, Martin Petit, qui lui est jubilé, il en jouissait, il avait des queues à la bouche, tellement qu'il voyait enfin les riches vont prendre leur place au Québec. Monsieur extrême droite économique. C'est quoi ça? Là, je ne porterai pas de jugement de valeur sur lui. C'est-tu lui le créateur de la théorie du stade olympique, comme quoi que chaque milliard c'est des stades olympiques, puis là, on s'endette de stades olympiques? Dis ça à ton TV. Ah, ben oui, mais ça, c'est la démagogie. C'est facile, là. La belle droite. Moi aussi, je peux en faire. Il y a tellement de gens innocents au Québec qui rempliraient un stade olympique. Ils sont tous au pouvoir, ils sont à Québec, ils sont tous là. Fait que, bon. Fait que, c'est ça. Intéressez-vous à la chose. C'est pas fait encore. Le budget devrait être adopté mardi prochain. Ouais. En théorie, mais le gouvernement est majoritaire. Donc, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ça va passer, malheureusement. Et autre bonne nouvelle qu'on a eue ce matin, Simon, t'en as parlé à ton émission, Jean Charest qui démissionne. Ben oui, Jean Charest démissionne. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Moi-même, je vois ça sur le fil de presse, Jean Charest démissionne. Je dis, ça se peut, ça serait logique pour détourner l'attention. Mais non, C'était un joyeux poisson d'avril. Et oui, on est le 1er avril aujourd'hui, on s'en est fait passer une par le groupe d'humoristes sarcastiques qui fesse fort. Oui, quand même. Le groupe mauvaiseuil.com. Donc, allez voir leur site. Ils ont créé plein de pages Facebook ou de Twitter, de Dark Vader, de Luke Skywalker qui s'assassine avec son père. Le Facebook de Bob Gainey aussi. Bob Gainey, c'était bon aussi. Oh, ouais. C'est certain qu'il va en avoir d'autres dans les jours à venir. Ouais. Mais mauvaiseuil.com qui annonçait la démission de Jean Charest. Écoute, j'en étais ravi, mais en même temps, je dis, le 1er avril aujourd'hui. Ben non, mais c'est ça, j'ai comme allumé pas mal plus tard là-dessus parce que dans ma tête, moi, c'était, ça a été repris sur le fil de presse. Ben c'est oui. Ce qui m'étonne. C'est soit les journalistes ont été. On dit, OK, on en profite, on la laisse passer, mais non, je la reçois dans mes fils de presse. Jean Charest démissionne et non pas de parenthèse pour dire poisson d'avril. C'est ça. Je dis, OK, là, manque de rigueur journalistique. Ah, mais ça, c'est... On sort la nouvelle, mais après ça, on vérifie nos sources. C'est ça, après ça, on la commente. Ouais. Exactement. Donc. Hey, je te demanderais juste si tu aurais un commentaire à faire. Hier, il y avait la réunion des actionnaires de la Banque nationale et le président de la banque s'est fait renouveler son contrat avec un beau salaire de 6 millions de dollars. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ben, félicitations. Félicitations. Écoute, il a dit que les actionnaires étaient tous d'accord avec ça, que c'était justifié comme c'est salaire. Ça. Moi, jamais je critiquerai le salaire des cadres. Je vais critiquer ceux qui lui accordent. Ouais, c'est ça. Parce que moi-même, je suis un employé à l'AGA. Donc, c'est certain que je vais tenter de négocier à la hausse mon salaire. Oui, mais ça, c'est normal. Cave. Mais si les employeurs disent, OK, on te donne 6 millions par année, OK. Non, je vais le prendre. Non, c'est sûr. Moi aussi, je vais le prendre. Jamais chialerai contre le salaire des cadres. C'est quand même 72 fois celui d'un salaire d'un banquier normal. Là, par contre, pour les comparaisons, on peut s'entendre, c'est dégueulasse. Oui, pas mal. Il y a un petit peu d'exagération. Sauf que c'est signé, c'est un contrat. Puis quand il va démissionner, c'est sûr qu'il va avoir des stock options, des primes de départ et tout ça. Ça fait partie de ce contrat. Chialons pas là-dessus, c'est un contrat. Il faut chialer contre ceux qui lui accordent ce contrat-là. Donc, les actionnaires qui eux autres. Un conseil d'administration, là, c'est plein de nobody qui se réunissent ensemble parce qu'ils partagent un point commun. OK? L'argent. Faire de l'argent. Ouais. Et surtout se réseauter pour que mon ami qui siège à ma droite là, puisse être sur mon CA pour qu'il puisse lui aussi augmenter mon salaire éventuellement. Donc, c'est un grand réseau de copains et copines. Ben oui. Donc, si je suis gentil avec X, quand je vais signer mon contrat, moi, il va être gentil, il va me retourner l'appareil. Donc, c'est même, ça marche un conseil d'administration, surtout dans la haute finance. Ben oui, c'est sûr. C'est tous des chums. Exact. T'as pas de. Il y en a quelques-uns. Des intellectuels, des vrais fiscalistes, des vrais économistes qui disent wow, on peut pas se le permettre. On va être obligé d'augmenter le taux d'intérêt, on va être obligé de couper dans tel service pour augmenter le salaire de X. Mais ce qui est normal. Donc, c'est eux autres qu'il faudrait critiquer, leur manière de faire, surtout la transparence. Il y a le MEDAC, qui est le mouvement d'éducation, de démocratie, ceux qui sont à gauche, dans le fond. Ouais, un groupe à gauche qui surveille justement comment les petits contrats des caisses et des banques, eux autres dénonçaient ça. Ouais. Ils se sont dit, ils ont le droit. C'est les actionnaires qu'il faut pénaliser. C'est ça, eux exactement. Il faut dénoncer. Donc, c'était mon commentaire sur justement cette hausse faramineuse de salaire, ouais, mais tout à fait légale. Ben, c'est ça. Et en fait, le PDG, président, en tout cas, ce monsieur-là, ouais, il disait justement que, dans le fond, il n'était pas à blâmer, lui, parce que c'est les actionnaires qui ont dit, ben, correct, on te le donne. Exact. Quand même, il faut dire que les banques, quand même, font des profits assez faramineux. C'est donc, fou. Ouais. C'est fou. Crise économique. Pas pour eux autres, en tout cas. Non. Pas au Canada, en fait. Parce qu'aux États-Unis, on sait, il y a eu des problèmes. Mais encore là, les cadres étaient très, très bien payés avec des belles primes de départ s'ils partaient. Ben, c'est tout un autre système bancaire qu'il faudrait parler éminemment. Mais c'est des banques privées. Au Canada, il y a 6 banques. Ouais, c'est ça. Le réseau est pas mal plus solide. Donc, si une banque ferme, c'est foutu pour le pays. Mais il n'y a jamais une banque qui va fermer au pays. Non, je pense pas. Aux États-Unis, il y en a des centaines de banques. Ouais, c'est ça, c'est normal. Il y en a une qui ferme, il y en a une autre qui se crée. Donc, qui rouvre juste à côté ou l'autre bord de la rue. Avec une autre adresse, mais les mêmes propriétaires. Oui, ça c'est sûr. Hey, merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir, c'est mon C'était vraiment très intéressant. J'espère que tu vas revenir faire ton tour éventuellement. Tu m'invites, j'arrive. Yes, bon, ben à un de ces quatre alors. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Jab-Jab-Bar. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du... On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et équitérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.